Comment tu peux comprendre si tu écoutes pas, si tu écoutes pas, si tu doutes, c'est pour toute ma clique. Comme il souffle de choc, des comptables politiques, tu te moques de qui? Ça me coûte quoi d'ouvrir ma gueule, je revendique. Envers l'État, les enculeries qu'ils fabriquent. Apparemment, personne n'est d'accord, ils appliquent. Nous font du tort, on presse les lois et leur port applique. La presse empresse de foutre la panique. Nous voir dans le stress et ramasser le fric. Les gens votent FN, le monde est statique. Allez vous faire, j'ai pas de peine, c'est ma haine qui réplique. Personne me freine, ma graine authentique. À travers ce thème, j'engraine la politique. C'est vous le seul problème, les mêmes polémiques dans le monde. France ne te voit pas unique. Stratégique dans ma technique, la tactique, ne pas être statique, histoire d'esquiver les tacles et les kicks. Beaucoup de gens veulent qu'on finisse paraplégique. Donc ma plume s'agite éclate pour ma putain d'équipe, pour ma clique, pour la Sicile et toute l'Afrique. Et je me languis le déclic, je me languis mon premier clip. Histoire que les gens comprennent que le 11e est une éthique. C'est pas du sang qui sort de nos veines, mais de la zic. Alcoolique, je ne deviendrai pas. Cessez de parler de clic-clic. Reste toi, toi qui pompe le stick des fanatiques de ce qu'on perçait. Tellement ton place à quelques lettres ou sans blogueur. Tu revendiques ce qui revendique. Pendant que moi, accompagné de stick, j'essaye de produire du bon son énergétique. Histoire que les cagas, les fanas de hip-hop classe mon morceau dans la catégorie classique. Hey yo, le rap c'est comme le foot, faut être physique. Lève le poing en l'air, c'est comme moi. Tu n'apprécies pas trop les flics. Authentique, je le suis, je le reste sur ma mère. Je ne tournerai pas ma veste pour du fric, yo. J'ai trop hurlé, perturbé, passe bitumé, ces flammes qui se consument. Je consume même mon complet, on suit pour tuer. Le tas dans une buée, la rue n'est pas la ruée. Vers l'or y'a pas de trésor que des caisses brûlées. Écroué, des frères qui ont échoué. Envoie plutôt une bohémienne que les rouées. Ma parrain n'a bougé, les jeunes se pauvres partis de boucher. Rattrapés par les stupes, par les tickets stands. Quand ils sont touchés, brutalisés, des femmes battues finissent à l'hôpital. Les côtes brisées, des pauvres expulsés de leur maison. Par les huissiers, des mères qui pleurent leurs fils en prison. Le regard épuisé, j'ai tendissé ma doigt sur des pages. J'ai parlé au moins des sujets. Moi j'ai de quoi je parlais, pas besoin de conseiller à ce sujet. J'ai même pas dépassé le quartier qu'on m'a déjà exécuté. Qu'on sort les mauvaises passes, moi c'est le passé déjà purgé. J'ai vu, j'ai trop goûté la misère au bout de mon palais. Mec j'ai cru et espéré qu'elle allait en fait s'en aller. J'ai attendu l'arrivée du bonheur au bout de mon palais. Mais je n'ai que trouvé que des torts et des cafards en palais. Traversant la polémique, l'opinion publique, leur politique sarcophage. Le passage à l'euro, les trappes sur les guerres qui s'engagent. Plus des décennies, c'est tragique. Peut stopper l'hémorragie, le mal agit comme une maladie. Curable, démagogique, leur politique, la tolérance à ses limites. Comme le trafic des narcotiques, 2 millions pointent aux arcédiques. Vivre dans l'insécurité, y'a comme un voile sur une partie de la vérité. Déserter le combat n'est pas d'actualité. En première ligne, même dans un état critique, pour affronter cette sombre réalité. Les fonds de retraite volatilisés, corruption organisée, contribuable se fait encore sodomiser. La soirée judiciaire soi-disant impuissant. La loi du silence ne sera pas brisée. Aviser les médias veulent m'hypnotiser. Influencer jusqu'à mon bulletin de vote. Bientôt faudra chercher les cloques. Bientôt le début de la révolte. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Fuck nazi, marketing booze. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Tous le vise, le flouze dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Tous le flouze, le vise dans la blouse. Stop l'hypocrisie, ça me donne le blues. Yeah, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, oh. Tous le vise, le flouze. Tous le vise, le flouze. Tous le vise, tous le vise, tous le vise.